Enseignement par le vénérable Sayadaw Unnanu Jota. Retraite de méditation Vipassana 2021, centre d'Amarancy. Sayadaw vous dit bonjour à tous et il est très heureux de participer à cette retraite. Il est très heureux de voir que malgré la pandémie, vous avez fait l'effort de vous inscrire. Vous avez pris cette décision et elle est excellente. Il vous encourage à faire de votre mieux pour progresser et faire le meilleur usage possible de votre précieux temps. Nous ne pouvons pas nous rendre physiquement à Amarancy pour diriger la retraite, ni pour la traduire, mais grâce à l'application WebEx, nous pourrons malgré tout nous voir, nous entendre, et c'est presque comme si nous étions sur place. Nous pourrons vous donner les instructions pour la méditation de façon virtuelle, et Marcy pourra traduire pour vous. Je pourrai vous guider comme si j'étais là-bas sur place. Je vais faire de mon mieux pour bien vous guider, même si c'est de loin, mais c'est comme si j'étais présent dans la salle. Je vous donnerai les instructions conformément à ce qu'enseigne le Seigneur Bouddha et plus tard le Vénérable Mahasi Sayadaw. Les yogis doivent savoir que l'enseignement du Bouddha se résume à trois grandes sections, sila, la moralité, samadhi, la concentration et panya, la sagesse. Vous devrez donc faire un effort pour développer ces trois entraînements. Dans les pays bouddhistes, les laïcs prennent en général cinq préceptes qu'ils appliquent dans la vie de tous les jours, mais ils peuvent éventuellement en ajouter d'autres. Mais dans le cadre d'une retraite intensive comme celle-ci, il est d'usage de prendre soit 8 préceptes, soit 9 préceptes. Vous venez de prendre 9 préceptes et vous pouvez ainsi considérer que le fondement de votre pratique est assuré. Votre sila est en place. Il faudra faire un effort pour maintenir ces 9 préceptes purs. Il faudra faire très attention de ne pas les rompre tout au long de la retraite. Et si malgré tout il devait vous arriver de les rompre, la meilleure chose à faire, c'est de prendre la résolution de ne plus le faire. Si vous réussissez à maintenir ces 9 préceptes purs, à ne pas les rompre, vous pouvez vous dire que le fondement de votre pratique est assuré. Sila, c'est adopter la parole juste et l'action juste. Cela veut dire qu'on ne fera de tort ni à soi-même, ni aux autres, que ce soit par le corps ou par la parole. Lorsqu'on prend 9 préceptes, cela veut dire qu'on ajoute aux 5 préceptes moraux des laïcs 4 préceptes supplémentaires. S'abstenir de nourriture solide après 12 heures. Ensuite, il faudra éviter d'utiliser des cosmétiques, de produits qui ont pour but d'embellir le corps. Il faudra éviter les distractions. Et enfin, il faudra éviter d'utiliser des lits ou des fauteuils luxueux. Le 9e précepte consiste à maintenir l'esprit calme à l'égard de tous les êtres. Si vous respectez du mieux que vous le pouvez ces 9 préceptes, cela veut dire que vous détenez sila, la moralité. Le fondement de votre pratique est assuré. Dans la vie de tous les jours, on prend donc les 5 préceptes suivants, s'abstenir de tuer, s'abstenir de voler, s'abstenir de l'inconduite sexuelle, s'abstenir du mensonge, et s'abstenir de drogue ou de produits intoxicants. Tous les laïcs bouddhistes s'engagent en général à essayer de respecter ces cinq préceptes de base dans la vie de tous les jours. Mais dans le cadre d'une retraite, lorsqu'on pratique Vipassana, il est d'usage d'ajouter les quatre préceptes supplémentaires dont il vient d'être question. S'il a la moralité, c'est le fondement à partir duquel on va pouvoir développer l'attention, sati, et la concentration, samadhi. Ces deux facteurs vont devenir puissants pourvu que sila soit maintenu intact. L'esprit ne sera purifié que par la concentration. Sila ne peut pas purifier l'esprit. Le deuxième entraînement, samadhi sika, va donc rendre l'esprit très pur. Ici, dans la méthode de Mahasi Sayadaw, on développe samadhi par Vipassana lui-même. Dans cette tradition, cette section de samadhi se développe par Vipassana. Sayadaw pense que vous savez tous comment pratiquer Vipassana. Si vous suivez la méthode de Mahasi Sayadaw, vous allez observer l'objet primaire, c'est-à-dire les mouvements de l'abdomen, et tous les autres phénomènes qui se manifestent d'instant en instant. En observant ainsi tous ces objets, les uns après les autres, au moment où ils se manifestent, votre concentration va se développer. Si vous maintenez votre observation, votre esprit va progressivement se calmer, il ne sera plus constamment envahi par les émotions ou par toutes sortes de pensées perturbatrices. Si vous prenez l'habitude d'être toujours attentif à ce qui se passe en vous, votre esprit va se calmer et votre comportement va devenir civilisé, harmonieux. La concentration est indispensable si on veut atteindre le calme, obtenir un comportement harmonieux. Les actes et les paroles vont devenir plus douces, plus civilisées. Et ceci est indispensable pour développer la sagesse. Essayez donc d'être toujours attentif à ce qui se passe en vous à chaque instant, de noter ces choses de façon objective et précise, que ce soit en posture assise, en marche ou dans les activités quotidiennes. L'esprit va petit à petit se purifier, la confiance va apparaître, la concentration va devenir forte et en conséquence la sagesse va se manifester. Plus votre attention se développe, plus vous vous sentez calme et heureux. L'esprit ne sera plus perturbé par les pollutions. Si vous persévérez, vous comprendrez les phénomènes physiques et mentaux. Si vous atteignez des niveaux supérieurs, vous comprendrez que tous ces phénomènes sont impermanents, anicca. Ils sont intrinsèquement insatisfaisants, c'est dukkha, et dépourvus de substance propre, c'est anatta. Cette compréhension est très profonde, vous comprenez en profondeur le fonctionnement du corps et de l'esprit. Vous allez introduire en vous la pensée juste et les vues justes et serez libre des kilesas, des pollutions mentales, de tout ce qui est négatif. Vous aurez confiance en vous et confiance dans la pratique. Tout ceci est indispensable pour faire surgir la sagesse. Essayez donc de développer votre attention, d'être toujours conscient de ce qui se passe en vous à chaque instant et faites ainsi surgir la compréhension. Soyez attentifs en méditation assise, en marche et dans les activités quotidiennes. la confiance va petit à petit se développer, la concentration va devenir forte et la sagesse se manifeste. Plus votre attention va se développer, plus vous vous sentirez calme et heureux. Votre esprit ne sera plus perturbé par les pollutions. Petit à petit, vous comprendrez les phénomènes physiques et mentaux. Et si vous persévérez dans votre pratique et atteignez des niveaux supérieurs, vous aurez confiance en vous et confiance dans la pratique. Vous allez alors pouvoir franchir successivement toutes les étapes de connaissance. Sayadaw voudrait conclure en expliquant que si le méditant réussit à développer ces trois entraînements de base, s'il a la moralité, samadhi, la concentration et panya, la sagesse, vous aurez confiance dans sila, vous aurez confiance dans la concentration, vous aurez confiance dans la sagesse. Sila, samadhi et panya. La confiance dans la pratique va se renforcer de plus en plus et vous expérimenterez de plus en plus de choses. Votre attention va se développer si vous fournissez plus d'efforts. Si l'attention se développe, la concentration devient forte. Et lorsque la concentration atteint de bons niveaux, la sagesse se manifeste. Vous comprendrez en profondeur les quatre nobles vérités. Vous comprendrez en profondeur en quoi consistent réellement les phénomènes physiques et mentaux qui vous constituent et réaliserez le noble Dhamma. Si vous travaillez avec assiduité, votre sila, votre samadhi et votre panya vont se renforcer. Et tout ceci va se produire. Sayadaw vous encourage donc à faire un puissant effort tout au long de cette retraite, de façon à développer votre pratique. Essayez de vous fixer comme but d'atteindre la destination finale. Dites-vous que c'est possible pour vous, vous y arriverez. Prenez la résolution de ne pas arrêter la pratique tant que vous n'aurez pas réalisé ce but. Sadhu, sadhu, sadhu.